Resto a de la naissance. Sa femme a été adoptée, elle a été présentée. Mais sa sœur, sa riche sœur, la belle madame Delphine de Nucingen, femme d'un homme d'argent, meurt de chagrin. La jalousie la dévore. Elle est à 100 lieues de sa sœur. Sa sœur n'est plus sa sœur. Ces deux femmes se renient entre elles comme elles renient leur père. Aussi, madame de Nucingen, la paraît-elle toute la boue qu'il y a entre la rue Saint-Lazare et la rue de Grenelle pour entrer dans mon salon? Elle a cru que de Marsay la ferait arriver à son but, et elle s'est faite l'esclave de Marsay. Elle assomme de Marsay. De Marsay se soucie fort peu d'elle. Si vous me la présentez, vous serez son Benjamin. Elle vous adorera. Aimez-la, si vous pouvez, après. Sinon, servez-vous d'elle. Je la verrai une ou deux fois, en grande soirée, quand il y aura cohue. Mais je ne la recevrai jamais le matin. Je la saluerai. Cela suffira. Vous vous êtes fermé la porte de la comtesse pour avoir prononcé le nom du père Goriot. Oui, mon cher. Vous iriez 20 fois chez madame de Restaud, 20 fois vous la trouveriez absente. Vous avez été consigné. Eh bien, que le père Goriot vous introduise près de madame Delphine de Nucingen. La belle madame de Nucingen sera pour vous une enseigne. Soyez l'homme qu'elle distingue. Les femmes raffoleront de vous. Ses rivales, ses amis, ses meilleurs amis voudront vous enlever à elle. Il y a des femmes qui aiment l'homme déjà choisi par une autre, comme il y a de pauvres bourgeoises qui, en prenant nos chapeaux, espèrent avoir nos manières. Vous aurez des succès. À Paris, le succès est tout. C'est la clé du pouvoir. Si les femmes vous trouvent de l'esprit, du talent, les hommes le croiront, si vous ne les détromperez pas. Vous pourrez alors tout vouloir. Vous aurez les pieds partout. Vous saurez alors ce qu'est le monde, une réunion de dupes et de fripons. Ne soyez ni parmi les uns, ni parmi les autres. Je vous donne mon nom, comme un fil d'Ariane, pour entrer dans ce labyrinthe. Ne le compromettez pas, dit-elle, en recourbant son cou et jetant un regard de reine à l'étudiant. Rendez-le-moi blanc. Allez, laissez-moi. Nous autres femmes, nous avons aussi nos batailles à livrer. S'il vous fallait un homme de bonne volonté pour aller mettre le feu à une mine, dit Eugène en l'interrompant. Eh bien, dit-elle. Il se frappa le cœur, sourit au sourire de sa cousine et sortit.